إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، nous sommes au cours numéro 22 du livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifata ala kulli muslimin wa muslimat, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître maintenant, Nawaqid al-Islam, les annulations de l'islam, bien sûr, qui est un épître du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Aujourd'hui, nous prenons la 7e annulation de l'islam. Donc, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit As-Sabia, la 7e annulation. As-Siha. Alors, As-Siha, on traduit par la sorcellerie ou la magie. Il n'y a pas, comme on dit en français, la magie blanche et la magie noire. La magie noire, c'est la magie qui est mauvaise, et la magie blanche, c'est la magie qui est bonne, avec les gentilles fées, etc. Non, il n'y a pas de gentilles fées et de méchantes sorcières. Il n'y a que ceux qui pratiquent le sihr, ce sont tous des mécréants, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, même ceux qui prétendent faire de la magie blanche, sont de gentilles fées, etc., sont des mécréants et mécréantes. Cher Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, dit As-sihru. D'accord, sihr, as-sihr, causé par la sorcellerie et la magie. Wa minhu as-sarfu wal-atf. Et parmi le sihr, donc la magie, il y a ce qu'on appelle as-sarf wal-atf. Sarf mar'i amma yuhibbu. C'est quoi as-sarf? C'est dévier la personne de ce qu'il aime. D'accord, d'ailleurs, donc, si on sort, ça veut dire, en fait, de, notamment, dévier quelque chose. C'est une magie qui sert. Par exemple, certaines personnes, veulent mettre, la zizanie dans un couple, donc, ils vont faire du sihr, en fait, de la magie, de la sorcellerie, afin que un des deux époux, ait de la répugnance et commence à détester l'autre. D'accord, donc, ça, c'est le sort. Et le hâte, c'est le contraire. C'est faire de la magie pour que une personne aime une autre personne. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَدِيَ بِهِ كَفَرْ. Donc, celui qui le fait, et là, il n'a pas dit celui qui le croit, il n'a pas dit فَمَنْ يَعْتَقَدَهُ, c'est pas même celui qui le croit, la croyance, mais il a parlé de l'acte. L'acte seul suffit pour que ce soit une mécréance. Même si la personne dit, si la personne fait du sihr, de la magie, de la sorcellerie, elle dit, je sais que le sihr c'est de la mécréance, je sais que c'est mauvais, je sais que c'est interdit par Allah, et ma croyance elle est bonne, ma croyance comme quoi c'est haram, mais je fais de la magie comme je bois de l'alcool, pour s'en faire empêcher, c'est faux. C'est du kufr. Boire de l'alcool, ce n'est pas du kufr. Boire de l'alcool, ce n'est pas du kufr, c'est du, un péché kabira min al-kaba'ir qui ne fait pas sortir de l'islam. Et sihr, c'est un kufr, c'est un péché, mais en plus c'est un kufr, d'accord? Donc la personne qui fait ce kufr, comme une autre personne qui fera un autre kufr, il ne peut pas venir dire, non mais ma croyance est bonne, c'est ce que je fais, je sais que je reconnais qu'on pourrait, je suis en état de péché pour ça. Ça ne marche pas, ça c'est pour ceux qui font un péché parmi les grands péchés, tels que boire l'alcool, tels que faire zina, tels que mentir, etc. Donc le cher Mohammed, après, on a bien dit, celui qui le fait, c'est la seule action de faire du sihr, c'est du kouf. Qu'il agrée cela. Donc, s'il le fait pas, mais qu'il l'agrée. Donc, celui qui fait pas le sihr, mais qu'il agresse ça. Donc là, ça part, par contre, c'est par rapport au cœur. Celui qui agrée la magie, kafar, le cher Mohammed ibn Abdul Wahhab, a dit, kafar est devenu mécréant. والدليل قوله تعالى إلى بروف سيسا بارول الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة falatakfur. Et il n'enseignait pas. Et les deux, parce que là c'est du al-iman, c'est al-fanna, et les deux n'enseignent pas. Min ahadin. Donc personne n'enseigne, donc les deux n'enseignent personne, c'est-à-dire la magie. Hatta, jusqu'à ce qu'il y a Koula, jusqu'à ce qu'ils disent, donc ces deux anges, parce que comme on va le voir, on va citer, on va lire le verset en entier, parce qu'on va voir qu'il y avait deux anges à Babylone qui enseignaient la magie, et c'était une épreuve d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla envoyait deux anges pour éprouver les êtres humains, pour savoir s'ils allaient apprendre la magie et donc à devenir mécréants, résister à cette tentation, à cette épreuve, à cette fitna, et ne pas demander aux deux anges de leur apprendre la magie. Donc Allah Azza wa Jalla dit wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Donc ces deux anges là n'enseignaient à personne jusqu'à ce qu'ils disaient à la personne à qui devait enseigner la magie innama nahnu fitna. Nous ne sommes seulement qu'une fitna. Et le fitna, sachez-le, en langue arabe, le mot fitna veut dire avant tout le fait d'éprouver. Le fait d'éprouver. Qui vient du verbe fitna. Et le verbe, ce verbe-là, d'origine, il sert à dire éprouver l'or par le feu. C'est-à-dire qu'on mettait de l'or dans le feu, à savoir si s'il en sortait des résidus ou pas. Donc c'est l'épreuve par le feu. L'épreuve par quelque chose qui est dur. Donc la fitna, avant tout, c'est ceci. C'est l'épreuve. Donc, comme il disait, à chaque fois que personne venait à ces deux anges, là, disait, à la personne qui voulait apprendre la magie, nous ne sommes qu'une tentation, qu'une épreuve. Fala takfur. Alors, ne deviens pas mécréant. Fala takfur. Ne fais pas de kouf. Ne deviens pas kafir. Ne deviens pas mécréant. Ce qui, veut bien dire, comme, certains gens de science l'ont bien précisé, le seul fait d'apprendre la magie, c'est du kufr. Même si la personne dit après je ne la pratiquerai pas, mais le fait d'apprendre de la magie, c'est du kufr. Pourquoi? Par rapport notamment à ce verset. Parce que quand ils allaient enseigner, juste enseigner, au Mayur al-Iman, ils n'enseignaient pas à personne, à Takula, jusqu'à ce qu'ils disaient à la femme qui venait apprendre, innama nahnu fitna fala takfur. Nous sommes seulement qu'une épreuve, l'épreuve d'Allah Azza wa Jalla pour vous les humains, fala takfur. Alors ne fais pas de kufr. Donc n'apprends pas cette magie. Tu es prévenu. D'accord? Et sachez que certains pourront se poser la question, mais pourquoi les deux anges ils enseignaient la magie? Est-ce qu'ils sont mécréants ou pas? Non, non, non, attention. Les anges, eux, ne sont pas ce qu'on appelle mukallafi. Par le fardeau que l'être humain s'est chargé, à savoir si ou non ils allaient obéir ou à désobéir à Allah Azza wa Jalla. Les anges ne sont que des êtres de lumière qui sont ordonnés par Allah Azza wa Jalla de faire certaines actions. D'accord? Donc ils sont ordonnés, les anges étaient ordonnés par Allah Azza wa Jalla d'enseigner la magie, ce kouf, aux êtres humains afin de tester justement les êtres humains. Maintenant, Inch'Allah, nous allons lire le verset en entier. Qui est dans Surat Al-Baqarah, verset 102. Qui est très intéressant pour comprendre. C'est un assez bon verset qui fait un peu plus d'une demi-page. Qui est très intéressant sur plusieurs points, comme on l'a vu, Inch'Allah. Et on a vu certains points intéressants, à certains points, justement par ce. Non, enfin, ce morceau de verset que le Cheikh Mohammed Abdelrahim a cité. D'accord? Donc, Allah Azza wa Jalla a dit, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils ont suivi, là, en parlant des Juifs, juste avant. Allah Azza wa Jalla parle des Juifs. D'ailleurs, sachez que la Sourate Al-Baqarah, c'est une sourate qui parle beaucoup des Juifs, donc beaucoup des enfants d'Israël. D'accord? Et qui démontre comment ils s'égaraient, comment il se comportait envers Barzéologie, etc. Et donc, il est très intéressant de lire cette sourate pour savoir comment s'égarer afin que nous on prenne exemple sur eux dans le sens de ne pas prendre exemple. De savoir comment ils ont fait, comment était leur état de pensée comment ils agissaient afin qu'on diffère d'eux. On en reviendra, Inch'Allah, plus tard. On en parlera de cela un peu plus tard, Inch'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla a dit par rapport aux Juifs, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ils ont suivi ce que les shayatines, donc ce que les diables, disaient sur le royaume de Suleyman, alayhi salam. Suleyman, alayhi salam, c'est le fils de Daoud, alayhi salam, c'était un prophète, fils de prophète. Et pour nous, les musulmans, c'est sur la, c'est bien sûr la vérité, car Allah Azza wa Jal vient de le dire ici, et comme il va le préciser encore plus, quand le verset qui vient, Suleyman n'est jamais devenu mécréant. Certaines personnes pourra s'étonner parmi vous, être surpris de ce que je dis. Bah, sachez pour ceux qui ne le savent pas, que les juifs, et ensuite les chrétiens, ils ont suivi dans cette croyance, pour eux, Suleyman est devenu mécréant. Pour eux, Suleyman est devenu mécréant. C'est-à-dire qu'ils admettent que c'était un prophète, mais ce prophète est devenu mécréant. Voilà. Déjà, ça veut dire qu'un prophète qui a été élu par Allah, Azza wa Jal, par Dieu, en fin de compte, allait devenir un mécréant. Et ils disent, ils disent que Suleyman a pratiqué la magie. Et pour l'amour d'une femme, il a aussi adoré les idoles. Comment peuvent-ils penser cette chose-là d'un prophète? Et ils disent ceci. Et Allah, Azza wa Jal, dans le Coran, il va éclaircir et il va innocenter son prophète Suleyman. Alhamdulillah. Maintenant que vous avez bien compris pourquoi, enfin, qu'on en a rajouté, c'est sur Suleyman, mais je répète le début du verset. Les juifs ont suivi ce qu'on dit, le diable, le shayatin, sur le royaume de Suleyman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Et Suleyman n'a pas mécru, il n'est pas devenu kafir. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Allah Azzawajal, ici, innocent, parfaitement, clairement, son prophète, Suleyman. Suleyman n'a pas devenu. Mais, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais, ce sont les shayatines, les satans, les diables, qui ont mécru. Comment ça? Allah Azza wa Jalla dit petit. يعلمون الناس السحر. Ils enseignent aux gens la magie. يعلمون الناس السحر. Ils enseignent aux gens la magie. Donc celui qui enseigne la magie, même s'il ne la pratique pas, est un mécréant. Et comme je vous l'ai dit, les deux anges, comme ça va venir dans mon Coran, n'ont pas mécru, parce que sont des êtres, sauf d'accord, qui sont pas mukallaf, sauf sur le taklif, et qui sont ordonnés par Allah, Azza wa Jalla. Cela veut dire aussi, que Allah, subhanahu wa ta'ala, attendez-vous, parce que certains peuvent, parmi les mécréants, ils vont très loin, peuvent dire que Allah, que Dieu, est aussi mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a créé Iblis, et il a laissé Iblis faire de la mécréance, et il a laissé Iblis appeler les gens à la mécréance, etc. Et le fait qu'il laisse, mais que comme on dit, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de force de puissance sauf en Allah. Allah a mis la force, c'est lui qui a mis la force pour que le kufr se passe, comme tous les crimes et autres. Ouais, il n'y a rien qui se passe dans l'univers sauf par sa volonté, Mashiach. Donc, certains pourront dire donc, que Allah Azza wa Jalla est mécréant. Et non, attention, est mécréant que qui? Que les êtres humains et les djinns, s'ils font la mécréance. Toute autre chose dans la création ne peut pas être mécréant. Mais celui qui n'est pas de la création, qui est Allah Azza wa Jalla, lui bien sûr, n'est pas mécréant, et Allah Azza wa Jalla est bien plus élevé que ce que disent les mécréants et les mouchikoun sur Allah Azza wa Jal. Notamment, les sectes sataniques, on peut entendre même à notre époque, subhanallah, comme vous pouvez entendre, que ce soit en France, aux États-Unis ou autre, les sectes qui adorent le Satan dans les rêves de Dieu. Et bien sûr, qui vont avoir des croyants vraiment abracadabrantes. mais aussi ça sera des, si c'est derrière ces sectes, ça sera des juifs, notamment du Talmud et de la Kabbale, qui sont derrière ces sectes sataniques, cela ne nous étonnerait pas. Nous poursuivons donc le verset. Donc là, dans le verset, les chayatines sont devenus mécrans. Pourquoi? Il y aura les mounanas, parce qu'ils enseignaient aux gens la magie. Et ce point, on a descendu sur les deux anges du Babil. Ils étaient où? À Babylone. Babil. On dit Babylone. Babylone. Et ces deux anges ont un nom. Et c'est comme Allah le dit ici. Harut ou Marut. Donc, un s'appelait Harut. L'autre ange s'appelait Marut. Ensuite, Allah Azza wa Jalla lui dit: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Et ces deux anges-là, ils n'enseignent à personne, donc la magie, sans qu'ils disent إنما نحن فتنة, nous sommes seulement qu'une épreuve, فلا تكفر, alors ne m'y crois pas. Donc ils ordonnent, alors ne m'y crois pas, ne deviens pas kafir, فلا تكفر, fais pas de mécréance. Donc ils les préviennent. L'être humain qui vient chez les deux anges, ou le djinn qui vient chez les deux anges pour apprendre la magie, les deux anges qui sont ordonnés par Allah, à chaque personne qui vient, il prévient, il fait attention. Nous, si tu veux apprendre la magie, on te l'apprend, mais nous, on te prévient que si tu apprends, tu fais pas de la magie, mais on t'ordonne en plus de ne pas le faire. Et pourtant, malgré ça, subhanallah, l'égarement des gens, Allah nous préserve de l'égarement, malgré que les deux anges qui sont envoyés par Allah les préviennent et leurs ordonnent de ne pas devenir koufar. Et ben, il y avait des gens quand même qui allaient leur demander d'apprendre, de leur enseigner la magie, et donc ils savaient très bien qu'ils allaient devenir koufar par les gars de Dieu. Ensuite, qu'Allah Azza wa Jalla dit: فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Alors, les gens, c'est quoi? Ils apprenaient, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, ils apprenaient de deux, ces deux anges. Ma yufarrikuna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi, ce qui fait, ce qui divise, ce qui sépare avec ceci, donc avec la magie, entre l'homme, wa zawjihi, et son épouse. Et donc là, il y a une preuve par le Coran, déjà, pour certaines personnes qui disent que la magie est une chose qui, en fait, n'existe pas. Alors, certaines personnes qui se disent de l'islam se disent aussi ça. La magie, non, c'est une chose qui n'existe pas, ça n'a pas d'influence sur concrète, on ne peut pas donner l'amour pour une personne par la magie, ou enlever l'amour pour une personne par la magie, etc. La sorcellerie, la magie, tout ça, ce sont que des balivernes. Si ce soit du, on appelle en français, de la prestigitation, hop, c'est-à-dire c'est des tours de passe-passe, etc., mais ça n'a pas d'influence. C'est faux. La cire, la magie, c'est quelque chose de concret. D'accord, ça existe. Bien sûr, avec des charlatans, il y a aussi ceux qui font de la prestidigitation, ceux qui font des groupes de passe-passe, on dirait que c'est de la magie, enfin, des pas. Mais il y a des véritables sorciers de la table, magiciens. Des véritables koufars. D'ailleurs, pendant le Coran, sur Allah, je lui dis bien que les deux anges apprenaient aux gens, ça, j'en apprenais quoi? Comment à mettre la division entre l'homme et son Dieu. Donc, si la magie n'avait pas d'effet, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cet effet de la magie à mettre la division dans le couple. Une autre preuve que la magie est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de concret, qui touche la personne, qui touche les êtres humains, dans les hadiths, et notamment dans Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih de al-Bukhari, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la magie d'un juif. A été touché par la magie d'un juif. Alors, on revient encore aux juifs. Eh oui. Sachez que les juifs, notamment ceux qui suivent la cabale, bien pratiquent la magie. Notamment ceux qui pratiquent la cabale. La cabale qui est un livre qui est en plus du Talmud, qui est encore plus dans la mécréance que le Talmud, et que dedans, justement, il y a de la magie. Donc, il y avait un juif, qui a fait de la sorcellerie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cette magie a eu effet sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que ça le touchait physiquement, c'est-à-dire qu'il pouvait sortir de la fatigue, qui pouvait croire qu'il faisait certaines choses ou pas. Donc le hadith c'est assez long, je ne vais pas vous raconter tout, mais la fin ça s'est fini comment, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui a révélé les deux dernières sourates, pour l'A'udhu billahi min al-falaq, pour l'A'udhu billahi minas, et ça, la magie est partie par ceci. Et une autre preuve dans le Coran que la magie a effet, c'est justement dans la sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq. Parce que, juste à la fin de ce verset, de cette sourate, Allah dit bien, wa min sharri nafathati fil 'uqad. Et du mal, on va prendre pour l'élection quoi? Et du mal, an-nafathat. Les femmes qui souffrent, fil 'uqad dans les nœuds. Donc, c'est les sorcières. Une pratique, peut-être même qu'elles le feront, certains le font toujours, qui souffrent dans des nœuds afin de faire de la magie. Et donc, si jamais la magie n'avait pas d'influence, Allah Azzawajal ne demandera pas de prendre protection contre ces gens qui font de la magie, si ça n'avait pas de choses concrètes. Donc la magie, la sorcellerie, existe bien. Ensuite, Allah Azzawajal a dit, وما هم بالضارين به من احد الا باذن الله. Ce que je viens de dire, ce qu'on vient de lire sur la suite de ce verset est très vraiment très très important dans la croyance du musulman et de la musulmane. وما هم بالضارين به من احد الا باذن الله. Et eux, ceux qui font la magie ne sont pas à nuire, ne font pas de darar. Darin, c'est bien ismifak, bar, ceux qui font le darar. Eux, ils ne nuisent pas, bihi, par la magie. Une ahidin à un seul, il l'a bi'itna, sauf par la permission d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi c'est très important? Parce que le croyant, il ne peut pas avoir autre comme croyance que tout ce qui se passe dans l'univers. Mais vraiment tout. Du plus petit atome, ou ce qui est plus petit que l'atome, ou d'un astre qu'on peut voir par nos yeux. Tout ce qui se passe, d'accord? Tout ce qui se passe aussi, que font les actes comme les êtres humains sur Terre, en bien ou en mal. Rien ne se passe sauf bi'idhnillah, sauf par permission d'Allah Ajal. C'est-à-dire qu'Allah a donné sa permission, a donné sa volonté, a autorisé que ceci se passe. Il n'y a pas de magie qui se passe, sauf que Allah Ajal a autorisé que cette magie ait effet. Et une autre chose, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de force, de puissance, sauf par Allah. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de chose qui évolue dans l'univers, qui est effet sur quelque chose. Du plus petit, de la plus petite chose, du plus petit atome, ou ce qui est encore plus petit que l'atome, ou qu'un soleil, parmi le plus grand soleil, ou le plus grand astre, ce qu'on peut voir par nos yeux, qui bouge, d'accord, qui a une force, sans que c'est Allah Azza wa Jal qui ait donné cette force. Et même si c'est pour quelque chose de mal, comme par exemple sur Terre, s'il y a un crime, ou si quelqu'un tue, de personnes sans droit, sachez, et que ça rentre dans la croyance, on va en parler dans la même chose quand on verra ça plus tard, qu'il n'y a pas une chose, même si c'est quelque chose de mal, sans que Allah Azza wa Jal ait autorisé que cette chose se passe et qu'il mette la force pour que cette chose se passe. Maintenant, vous comprenez pourquoi certains pourront dire, parmi les plus égarés des mécréants, donc Allah Azza wa Jal est un mécréant parce qu'il a donné l'autorisation qu'une mécréance se passe. Et il a donné la force pour que cette mécréance se passe. Or, non. Allah Azza wa Jal, si il laisse tout ça se produire dans l'univers, des choses de bien, des choses de mal, c'est pourquoi? C'est pour la fitna, c'est-à-dire c'est pour l'épreuve. Al-imtihan, c'est pour l'épreuve. Pour éprouver les gens, pour éprouver cet univers dans lequel on vit. Donc il faut surtout se poser là, et là, revenez, notamment au verset que j'avais déjà lu avant, par rapport au fait qu'Allah Azzawajal a proposé aux cieux, aux montagnes, de prendre le fardeau. Si jamais ils obéissent, ils sont récompensés, s'ils obéissent, ils sont châtiés. Ils ont refusé, ils ont eu peur de ce fardeau. Et l'homme, comme on a tout le Coran, Allah a dit que l'homme était Jahoul, ou Zaloum. Jahoul, c'est grand ignorant, c'est plus que Jahil. Jahoul, grand ignorant. Zaloum, grand injuste. Il a accepté ce fardeau avec grande ignorance et grande injustice envers lui. Et donc, on est sur terre ici, dans cette lumière, et on est éprouvé. Les uns par les autres, ou par autre chose qui se trouve dans la création. Et Allah Azza wa Jalla met son attiration pour chaque chose qui se passe. Et met sa force pour chaque chose qui se passe. La troisième chose que j'ajoute, et comme ça vous avez la croyance exacte au Al-Qadr, au destin, qui est qu'il n'y a pas une chose, aussi petite qu'elle soit, aussi grande qu'elle soit, qui se passe dans l'univers, sauf que Allah Azza wa Jalla l'ait su bien avant. Il est su 50 000 années avant que la création ait eu lieu. Donc nous avons aussi les trois points qui sont les trois fondements de la croyance au Qadr, à la prédestinée, qui est que rien ne se passe. Le plus petit atome ou ce qui est plus petit que l'atome, ou la chose la plus grande dans l'univers, qui se passe sans que Allah Azza wa Jalla ait su que ceci allait se passer avant même que la création, avant même qu'il ait créé la création, 50 000 années. Deuxième chose, il n'y a pas une chose qui se passe, soit petit ou grand, soit bien ou mal, sans que Allah Azza wa Jal ait autorisé que cette chose se passe. Rien ne peut se faire sauf par l'autorisation. Troisième chose, Allah Azza wa Jal met la force, donne la force, donne le pouvoir, donne la force pour que cette chose se passe. Et pourquoi il y a tout ça en tant qu'épreuve? Parce que nous sommes éprouvés ici, dans notre vie, ici. Voilà, donc je reviens à cette partie du verset qui est très importante à comprendre, et surtout pour ceux, et que Allah nous en préserve, mais s'il y en a ceux qui seront éprouvés par la magie, par la sorcellerie. Qu'ils sachent que comme Allah vient de dire, « وَمَا هُمْ بِاللَّهِ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِهِ » Et eux, donc les magiciens, les sorciers, ils ne peuvent pas nuire par lui, c'est-à-dire par la sorcellerie. Personne, mais vraiment de personne, sauf par la permission d'Allah à ceux qui sont atteints par la magie, ceux qui sont atteints par la magie, et qu'Allah nous en préserve. Sachez très bien que cette magie que vous avez n'a pas eu lieu sans que Allah l'ait autorisé. Donc, si jamais quelqu'un pense et la magie se fait sans que Allah Azza wa Jal l'ait voulu, sans que Allah Azza wa Jal en ait donné la force pour que ceci se passe, et bien en fin de compte, il a mécru, voilà, yadu billah, à la prédestinée. Et il a mécru à une grande mécréance, qui est quoi? Il croit que dans l'univers, quelque chose peut se produire contre la volonté d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il croit que par exemple la magie s'est produite contre la volonté d'Allah. Allah c'est pas lui qui a mis l'autorisation. Ça s'est passé sans qu'Allah l'autorise. Donc, quelque chose qui est plus fort ou aussi fort qu'Allah dans la volonté. Voilà, yadu billah, ça c'est du coup, faites attention. Ou qui croit qu'il y a une force qui est dans la magie et qui va dire c'est une force de mal et ça peut pas venir d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a une autre force, autre que la force d'Allah Azza wa Jal, qui influence dans l'univers. Et ceci c'est du grand coup. Faites attention. Que vous soyez atteint d'ailleurs par la magie ou non, il faut avoir la bonne croyance. Il n'y a rien, mais vraiment rien dans la création qui se passe sans que Allah Azza wa Jal ait donné l'autorisation. Que ça soit un crime, que ça soit un viol, que ce soit quelque chose d'horrible. C'est Allah Azza wa Jal qui a donné l'autorisation que ça se passe. Et Allah Azza wa Jal a donné la force pour que ça se passe. Et avant ça, il savait que ceci allait se produire bien avant que la création ait commencé à être créé. Pourquoi ça t'entendait? Parce qu'il y a une hikmah derrière, parce qu'il y a une sagesse énorme, immense, dans ceci. Je vous invite notamment à lire dans Surat al-Kahf, la caverne, l'histoire qu'il y a eu entre Moussa, Moïse, alayhi salam, et le Khadir, et cette autre, l'autre personne, le Khadir, où Allah Jalla a dit qu'il y avait une personne qui a dit à Moussa qu'il avait plus de science que toi. Donc Moussa, alayhi salam, a demandé c'est laquelle. Il a dit va à sa recherche. Donc après, je vous fais un résumé. Il a trouvé. Cette personne-là dit à Moussa, tu ne pourras pas me suivre. Est-ce que ce que moi je fais, ce que je vis, c'est trop fort pour toi, c'est trop, tu pourras pas. Et Moussa a insisté, fait non, laisse-moi que j'apprenne de toi la science. Et là, justement, apprendre la science, mes frères et les sœurs, c'est pas seulement apprendre les hadiths, ou apprendre par cœur, ou apprendre du fiqh, ou apprendre, par exemple, le tawhid par cœur. Il y a une science à avoir, c'est cette science-là, qui est très importante. Parce qu'en fin de compte, le Khadir, il a enseigné à Moussa, alayhi salam, en fin de compte, une chose. Et c'est ce que je viens de vous dire. C'est qu'il n'y a rien dans l'univers qui se produit sans que Allah, azza wa jalla, dessus, ait autorisé que ça se passe et ait donné la force pour que ça se passe. Et il y a eu trois événements qui s'est passé entre Moïse, alayhi salam, et le Khadir, alayhi salam. Et je vous invite à lire cette partie surtout de la sourate qui se trouve vers la fin de la sourate Al-Kahf, sourate Al-Kahf qui est au milieu du Mus'haf, sourate qui est au milieu du Qur'an. Et lisez cette histoire et vous comprendrez. Et vous comprendrez notamment pourquoi Allah Azza wa Jal il va laisser des choses à nos yeux qui sont abominables, mais qui en fait compte qu'il y a derrière une hikmah, une sagesse qu'on ne peut, qu'il est difficile pour nous de concevoir. Un exemple, juste un exemple, je vous laisserai les autres, un exemple qui est très dans ces trois événements qui s'est passé entre Moïse et Moussa, entre Moussa et Khadir. Moussa avec le Khadir marchait, et tout d'un coup, le Khadir, d'accord, donc qui était le professeur de Moussa, de Moïse, est allé vers un enfant qui jouait avec d'autres enfants, et lui a arraché la tête. Subhanallah, vous imaginez ça? Il a pris un enfant et lui a arraché la tête. Et Moussa, il s'est étonné. Il a demandé à Moïse, pourquoi t'as fait ça? Un enfant, c'est un être innocent. Et le Khadir lui a dit, je ne t'avais pas dit que tu ne pourras pas avoir de patience avec moi. Ah! Et Moussa, il s'est excusé. Ah bon, je vais vous lisez, d'accord? Et à la fin, je vous fais juste vraiment un résumé de cette histoire. Et à la fin, une fois qu'il y a eu d'autres événements, de ce même ordre, à chaque fois le Khadir faisait une chose, et Moussa, il était étonné, pétrifié, il se disait, mais comment ça se fait? C'est comme s'il lui disait à Al-Khadir, mais tu as été injuste en faisant ça. Et à la fin, Al-Khadir lui a expliqué pourquoi il a arraché la tête de l'enfant, pourquoi il a pas détruit, mais il a détérioré le bateau, et pourquoi il a reconstruit le mur. Et je vous invite vraiment à lire, et je vous laisse, et je vous le dis pas ici, pour ceux qui ne savent pas. Comme ça, Inch'Allah, ça vous poussera à lire à savoir la réponse, pourquoi il a arraché la tête de l'enfant. D'accord? Pourquoi? Et vous le verrez. Donc, quand on voit, il faut comprendre ça, quand on voit nos informations des guerres et tout ça, des meurtres, ou qu'on entend qu'il y a des viols ou autres, des choses vraiment horribles, eh bien, sachez que si Allah Azza wa Jalla a laissé, a donné son autorisation pour que ça se son autorisation pour que ça se passe, a donné sa force pour que ça se produise, et qu'il le savait en plus avant que ça se passe. Donc, vous savez, il aura pu ne pas faire en sorte que ça se passe pas, mais qu'il le savait bien avant. C'est pour une sagesse. Nous continuons le verset, et ensuite, Allah, et donc, ils apprennent, donc les gens apprennent la magie, et en plus, ce qui ne leur nuit pas et ne leur profite pas. Voilà quoi d'animo, et ils ont certes su, la manishtarah ou ma lahutilahi min khalaq, celui qui l'achète, qui a cette magie, ma lahutilahi min khalaq, n'aura pas pour lui, dans l'au-delà, de part et de part du paradis, d'accord? Et de miséricorde. On l'a dit, ça m'a shalaw bihi an pousa. Comme c'est mauvais ce qu'ils ont vendu par ceci, leur être, leur âme. Voilà, ok, nous y allons, si seulement pouvez savoir. La magie, elle peut avoir peut influencer sur les personnes même, d'accord? Donc, ça peut influencer sur le cœur de la personne. On vient de voir. Ça peut influencer la personne à détester ou à aimer une personne. Il y a une autre magie aussi, qui c'est une magie, donc comme quoi, qui en fin de compte va se mettre devant les yeux des gens. C'est-à-dire qu'il va faire croire aux gens certaines choses. En quoi ils le voient. Mais en fin de compte, ce n'est pas vrai. Comme c'est dans la surat Al-A'raf, au verset, que je ne me trompe pas, en surat Al-A'raf, au verset 116. Allah Azza wa Jalla dit ceci, et ça c'est par rapport, notamment c'est un événement qui est cité, qui est très important, c'est le rapport entre Pharaon, et les magiciens qu'il a fait venir, afin de mettre au défi Moïse contre les magiciens. Et donc Moïse a dit ceci aux magiciens, Paul Alakou, alors jetez votre magie. D'accord? Falamma Alakou, Saharu Ayunannes. Et donc lorsqu'ils ont jeté, donc ils ont jeté leur magie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Saharu Ayunannes. Ils ont fait de la magie sur quoi? Sur les yeux des gens. Ça veut dire que là, ils ont fait croire leur magie a eu un effet, mais sur les yeux des gens. D'accord? Non pas sur leur cœur, mais sur leurs yeux. Ça, c'est une magie aussi. Notamment, c'est la magie que pratiquent les magiciens qui font les spectacles. Il y a certains, c'est des passe-passe. Certains magiciens, en gros, c'est pas des magiciens, ce sont des prestidigitateurs. Qui font des tours de passe-passe. Mais certains font vraiment de la magie. Certains travaillent vraiment avec le djinn. Parce que les magiciens travaillent avec le djinn. D'accord? C'est vraiment des kuffars par rapport à ça. D'accord? Font vraiment de la magie. Et les kuffars, ça aussi, je vous le dis, la magie qui fait sortir de l'islam, qui est du kuf, c'est celle où il y a un travail avec les djinns. Et celui-là, c'est celui qui influence la personne. Faire un tour de passe-passe et faire croire aux gens que c'est de la magie, que la compagnie a une puissance, ça, ce n'est pas du kuf. D'accord? Mais comme vous trouvez dans certains genres de sciences, ils disent, ces personnes-là, qui font des contrôles de passe-passe et qui font croire aux gens, comme quoi ils ont une force comme une magicienne, etc., il convient au gouverneur, plus ou moins, bien sûr, de prendre ces prestidigitateurs, d'accord, de les interdire, voire de les fouetter sur la place publique afin qu'ils arrêtent et de les condamner pour ceci. Mais ils ne sont pas kuffars. Parce qu'en plus, ils peuvent faire croire aux gens la magie, etc. Et c'est très mauvais pour la croyance, d'accord. Mais eux ne sont pas kuffars. Les kuffars, c'est ceux qui font la magie, la vraie, d'accord. Et là, ici, comme par exemple, ceux qui faisaient la magie en ayant effet sur les yeux des gens. Voilà. Maintenant, nous prenons dans la sourate Taha, au verset 66. Et en fin de compte, c'est un autre verset qui va parler justement de cet événement qu'il y a eu entre Moussa, alayhi salam, et les magiciens. Qol bel alakou. Il est donc Moïse a dit bel alakou. Mais vous, jetez. Donc, jetez votre magie. Faïda hibaluhum. Si, hum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les magiciens ont jeté leur, comme c'est dit ici, ont jeté ce qu'ils avaient dans les mains, et c'était ici, des cordes et des bâtons, alors on lui a fait croire, d'accord, ça faisait croire la magie comme quoi, une sérime de leur magie, Anahatasra, qu'elle se mouvait. Quand les gens voyaient les bâtons et les cordes que les magiciens ont jetés, ils voyaient quoi? Des serpents. Ils voyaient des serpents. Concrètement, les bâtons restaient bâtons, et les ficelles restaient, et les cordes restaient cordes. Mais la magie agissait non pas sur les bâtons, mais sur les yeux des gens. D'accord? Sur les yeux des gens, comme quoi ils pensaient voir, en fin de compte, que les bâtons étaient devenus des serpents. Après, Allah a ordonné à Moïse de jeter son bâton à lui, et son bâton à lui, par contre, est devenu, lui, un véritable serpent, par la force d'Allah, et il a mangé tous les bâtons, et donc tous, entre guillemets, les serpents des autres magiciens, et là, les autres magiciens ont vu qu'en fin de compte, ce qu'avait fait Moïse, c'était pas de la magie. Ce qu'avait fait Moïse, ce n'était pas de la magie, mais c'était quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que la magie, et ils ont reconnu que, en fin de compte, ce qu'avait fait Moïse, ça ne pouvait devenir que leur gloire à Zéroïde. Et là, c'est à ce moment-là que les magiciens se sont prosternés, non pas pour Pharaon, mais pour Allah, et se sont soumis, se sont convertis à l'islam. Alors, les gens d'Allah, Azzawajal, qui à l'époque étaient de dire La ilaha illallah, Moussa Rasulullah. Il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et Moïse est le messager d'Allah, à cette époque. D'accord? Et la charia de cette époque, de Moïse, c'était la charia de la Torah, pas la charia du Coran. Mais là, maintenant, c'est la charia du Coran. Alors, on verra notamment avec un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la sentence du sahir, donc du magicien, du sorcier? Eh bien, déjà, c'est un apostat, donc on sait que c'est la peine de mort, car comme vous savez, celui qui apostasie, eh bien, sa peine, eh bien, sa sentence, c'est la peine de mort, c'est la peine de mort. D'accord? D'accord. Pas de problème. Un autre problème qui va se poser. Si un juif ou un chrétien est sahir, est magicien, il n'est pas apostasié. S'il paye sa jizya, s'il paye la capitation, eh bien alors, il n'a pas apostasié, donc il n'y a pas de peine de mort. Donc, est-ce qu'il y a une peine spécifique pour le magicien, même s'il n'est pas apostat, c'est-à-dire que même s'il est mécréant d'une autre religion, comme par exemple il va être juif ou chrétien, et qu'en plus il va devenir un état islamique, il va payer sa jizya, donc non, le juif et le chrétien, quand il paye sa jizya, eh bien, il n'a pas le droit ni de toucher à son bien, ni de toucher à sa personne, eh bien là, il y a ce sahabi qui a dit ceci, et ce sahabi s'appelle Jundab ibn Karb, il a dit cela, Haddu sahir darbatun bisayf. La peine légale du magicien, c'est quoi? C'est une frappe par l'épée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le tuer. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi, au Sahahahu ou Al-Albani. Et Tirmidhi l'a dit qu'il était authentique, ainsi que Al-Albani. Et il y a d'autres compagnons qui ont décrété comme quoi la peine de mort du magicien, qu'il soit musulman ou pas, c'est la peine de mort, telle que Omar, radiallahu anhu, et notamment une femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, justement, qui avait ordonné de tuer une de ses esclaves, de ses femmes esclaves, qui faisaient de la magie. Et sans qu'aucun autre sahabi diverge et se contredise ce qu'on fait ou ce qu'on dit les sahabas sur cela. Donc voilà. Alors, si un chrétien ou un juif qui, même s'il paye la jizya, eh bien, qui en fin de compte est un sorcier, un magicien, eh bien, ça aura la peine de mort. Pareil, si jamais un chrétien ou un juif, eh bien, il fait zina alors qu'il a été marié avant, eh bien, c'est la peine de mort, comme pour le musulman. D'accord? Sauf que si c'était un musulman qui fait ça, ça sera une peine de mort. Bien sûr, sa peine sera la peine de mort. Mais en plus, il est devenu apostat. En plus, il est devenu apostat mécréant. En l'iyadu billah. Par sa magie. Voilà. D'accord? Contrairement à si un musulman il fait zina, alors qu'il a été marié, il a consommé le mariage, s'il fait zina, eh bien, il sera condamné à mort par la lapidation, que ce soit une femme ou un homme, les deux. Mais ils mourront musulmans, parce que ce n'est pas de la mécréance que de faire zina, sauf chez les khawarij. Et nous ne sommes pas des khawarij. Dans la croyance des khawarij, que celui qui fait un grand péché, et bien, il a fait un kufr akbar. Et nous ne sommes pas des khawarij. Donc, nous avons ici fini la 7e annulation. J'aurais bien voulu encore parler notamment sur la magie, sur certaines choses, sur certains problèmes, notamment sur la mécréance. Je vais quand même essayer de dire un petit mot. Dans les 4 écoles, il y a dans le Madhab Shafi'i, donc l'imam Shafi'i, rahimahullah, donc le Madhab Shafi'i, ils disent que le magicien ne peut être déclaré mécréant. Apostat, sauf si on prouve que sa magie est faite avec du kufr. D'accord? Et dans les 3 autres écoles, ils disent non, le magicien est mécréant. C'est parce que la magie en elle-même, c'est du kufr. On ne peut pas avoir de magie sans faire du kufr. Et certains gens de science ont réuni, en fin de compte, l'imam Shafi'i, et concrètement, il est en accord avec les autres, parce que c'est quoi quand il dit qu'il faut prouver comme quoi sa magie fait du kufr? Eh bien, ça rentre en fin de compte, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui font des tours de passe-passe de la prestigitation, d'accord? Si je me trompe bien, j'espère de ne pas me tromper quand j'utilise le mot prestigitation quand c'est des tours de passe-passe. Donc, soit qui fait des tours de passe-passe et qu'on est épaté, comment il a pu sortir une colombe de sa manche, etc. Mais en fin de compte, c'est un tour de passe-passe. Et bien, lui, en fin de compte, il n'est pas mécréant. Mais celui qu'on prouve comme quoi c'est bien avec de la magie qui fait ses tours, d'accord? Ça, c'est accessoire dans un cercle quoi, c'est bien avec de la magie. La sorcellerie qui fait ceci, donc lui, il est mécréant. Si c'est très dans les musulmans. Et bien sûr, ceux qui font de la magie sur autre que par les yeux, c'est-à-dire pour influencer les cœurs des gens ou rendre mal les gens avec la maladie, ça c'est une mécréance. D'ailleurs, c'est dans le Coran, c'est bien dit que les deux anges enseignaient justement le fait de mettre la division entre l'époux et l'épouse. Et que ça rentre dans ce qu'ils disaient, Falat Akour, donc ne m'y crois pas. Et ils apprenaient de la mécréance. Voilà. Pour, je vais juste vérifier. فيتعلمون منهما ما يفارقون به بين المرء وزوجه. Juste avant. Falat Akour. Voilà. Voilà, Inch'Allah, nous finissons le cours, ça va bien faire, oui, déjà plus de 45 minutes, comme cours. Donc, nous avons fini, nous avons pris, pour ce cours-là, la septième animation qui était la magie, à Siha. Et le cours prochain, Inch'Allah, nous prendrons la huitième annulation. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayh.